Un roi futur, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Un roi futur, à Mademoiselle Hortense d'Amin. Un jour, le petit roi dînait chez sa grand-mère, mais un vrai petit roi, c'était en Angleterre. On était en famille, un dîner d'autrefois, convenant aussi bien aux princes qu'aux bourgeois. Il était cependant une certaine crème qui tenta notre Albert d'une façon suprême. Il la mangeait des yeux. Or, des yeux à la main, le chemin est bien court est le chemin, qui va du doigt au plat et du plat à la bouche. Puis la crème, on s'y noie aussi peu qu'on y touche. Ce fut fait. Quoi, monsieur? Un homme de 10 ans? Un soldat? Un marin aux boutons reluisants? Un amiral? Un roi? Mais c'est épouvantable! Si vous recommencez, vous irez sous la table. Albert baissa les yeux, rougit et se tint coi, comme un homme froissé. Mais je ne sais pourquoi, le diable, instigateur des passions mauvaises, fit venir au dessert des fraises, mais des fraises, comme on n'en vit jamais l'hiver, une surtout, qui se tenait en haut comme un dôme debout. Un chef-d'œuvre de l'art, plus que de la nature. Puissant est le démon, faible la créature. Je n'ai pas éclairci ce point dans mon esprit. S'il prit la fraise, ou bien si la fraise le prit. Quel que soit là-dessus mon avis ou le vôtre, il est sûr que bientôt ils furent l'un à l'autre. Cette fois sous la table, et pas un mot, allons. Le petit se laissa glisser sur les talons, leva, baissa la nappe et disparut. La terre accomplit ce jour-là sa tournée ordinaire, et même le dîner ne fut pas suspendu. 10 minutes après, le père, confondu, demande à la grand-mère un pardon qu'elle accorde. Allons, ta grand-maman te fait miséricorde. Reviens, petit maraud. Non, je ne suis pas prêt. Comment? Comment? Pas prêt? Mais vraiment, on dirait qu'il s'occupe là-bas d'un important ouvrage. Albert, monsieur, gamin, commodore, j'enrage. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas prêt, encore une minute. Enfin, il reparaît. Quel spectacle! Oh, shocking! Oh, pudeur britannique! Le petit prince était dans un état unique. Hélas, quel repentir, sans doute immérité, avait pu le pousser à cette extrémité? Voulait-il expier et la fraise et la crème? Devant ses grands-parents se dégrader lui-même? En sortant de son trou, c'était en plein hiver, le prince, l'amiral, était nu comme un ver. L'incident valait-il d'être écrit? Je l'ignore, mais il se peut qu'un jour le roi se remémore qu'il fut, étant enfant, assez juste et vaillant pour se découronner en se déshabillant. Fin de Un roi futur.